Réflexion en forme de lettre au sujet d'un système prétendu nouveau, sur le mystère de la Trinité. Par Armand Boisbleau de la Chapelle. Incidents inutiles sur cette matière. Monsieur, vous avez raison de croire que la lettre d'un théologien sur le mystère de la Trinité n'est guère un sujet à traiter en conversation. Les entretiens sont toujours mêlés de plusieurs incidents, et d'un grand nombre de personnalités que l'on ne peut bien écarter que la plume à la main. Je me propose, aujourd'hui, de me resserrer, étroitement, dans la considération du système, prétendu nouveau, et d'éviter toutes ces digressions accidentelles qui ne font rien du tout à la chose. Je vous disais de bouche que ce système n'est qu'un composé d'arianisme et de sabellianisme cousu bout à bout, que par conséquent il s'en faut bien qu'il n'y ait rien de nouveau à le considérer comme une solution du mystère, qu'il en augmente les difficultés au lieu de les diminuer, et que les contradictions, dont il est issu, sont grossières. Je n'ai point changé de sentiment, ou plutôt je me confirme de plus en plus dans la même pensée. Vous allez le voir par ce que j'ai à vous dire, et comme j'ai l'honneur de parler à un homme de mérite, et dont je respecte le jugement, je tâcherai de ne rien avancer qui ne soit muni de ses preuves. Mais parce qu'il ne serait pas impossible que vous m'honorassiez de quelques réponses, je me crois obligé de prendre les devants sur certains articles, et de vous spécifier, en peu de mots, ce que j'appelle de purs écarts, et d'inutiles digressions sur cette matière. Incident, de dire que l'auteur n'a pas suffisamment développé son système. J'appellerais digression inutile, si l'on allait incidenter sur l'usage que je ferais des expressions de l'auteur, dans la supposition que cet auteur a voulu dire ce qu'il ne dit pas, ou qu'il n'a pas dit ce qu'il a voulu dire. Non seulement il n'y a que l'écrivain en personne qui puisse avoir la permission de rhabiller son système, mais encore il s'est interdit lui-même le droit du réavis. Car sans dire qu'il produit ce système non comme une simple ouverture, susceptible d'addition et de correction, mais comme, voyez son avertissement, un corps de doctrine, auquel il n'a rien à ajouter, et contre lequel il n'attend que des objections, vous savez comme moi qu'il le produit sur le pied d'une révélation. Je crois pouvoir dire hardiment, dit-il, fondé sur l'évidence, que Dieu m'a fait la grâce de trouver la vraie et l'unique solution du mystère. Si ce n'est pas là prétendre à l'inspiration, je ne sais ce qui peut l'être, et c'est la vérité toute pure qu'un homme qui pense qu'un dogme capital n'a été connu dans l'Église, que de lui seul, et que par son ministère, doit croire la continuation des dons prophétiques, et qu'il jouit à cet égard du don de prophétie. Or si le prétendu nouveau système est de révélation, l'écrivain à qui Dieu a fait la grâce d'accorder une révélation si nécessaire, et si longtemps attendue, aurait-il l'audace d'y rien changer de son chef, ou de prétendre à de nouvelles inspirations pour rectifier la première? Je ne permettrai donc à personne, et non pas à lui-même, de s'écarter, d'un iota, des expressions de la lettre, et du sens naturel que ces expressions y présentent. Vous me direz, peut-être, que son livre est si petit qu'il n'y a pas eu moyen d'y développer si clairement le système, qu'on ne puisse aisément s'y méprendre et vous me représenterez que le grand nombre d'immenses volumes que les orthodoxes ont écrits pour expliquer leurs sentiments démontrent l'impossibilité physique d'exprimer, en si peu de pages, le sentiment opposé. Mais je vous supplie de considérer que cette objection n'est, encore une fois, qu'un écart. Car si les orthodoxes sont faits en de gros volumes, pour exposer simplement leur système, Ils ont tort parce qu'ils pouvaient le faire à moins de frais, et que le terme seul, de consubstantiel, dit tout ce qu'ils pensent, et qu'ils veulent dire. L'auteur de la lettre doit être encore dans un moindre embarras, s'il faut l'en croire sur ce qu'il dit de lui-même. Bien différent des orthodoxes qui ne peuvent expliquer leurs pensées. Pour lui, il peut expliquer la sienne, et quand on a le bonheur de n'avoir rien à dire qui soit contradictoire, rien qui soit opposé à quelqu'une de nos lumières naturelles, rien d'inintelligible, rien qui puisse paraître absurde ni aux athées, ni aux déistes, ni aux juifs, ni aux mahométans, ni aux païens, il me semble que trois feuilles de papier doivent être plus que suffisantes pour chaque vérité du symbole. L'auteur a si bien cru la chose, que s'il promet un autre traité, ce n'est que pour exposer avec plus de clarté et plus d'étendue les raisons sur lesquelles ses sentiments sont fondés, et nullement pour ajouter quoi que ce soit à la doctrine même sur laquelle il s'est expliqué dans cette lettre avec toute la clarté et toute la précision qui lui a été possible. Il se peut donc qu'il ait, par devers lui, quantité de raisons qu'il n'a pas dites, mais enfin il a dit tout son système. Il l'a donné complet, et son gros traité n'y ajoutera rien. Qui saura mieux que lui ce qui en est, et ne m'avouerez-vous pas que ce serait se moquer de lui que de prétendre qu'il n'a pas suffisamment expliqué sa doctrine. Tout incident de cette nature ne serait donc qu'une digression inutile. Incident de s'accrocher à la dispute contre les orthodoxes. C'en serait une autre, du même genre, si l'on s'accrochait à disputer pour ou contre le sentiment orthodoxe. Cette dispute est ici parfaitement déplacée. Et la raison en saute à des yeux aussi clairs que les vôtres. Quand il serait, démontré, comme il ne l'est pas, que les orthodoxes ont tort, il ne s'ensuivrait en aucune manière que l'auteur de la lettre eût raison. Car il ne peut conclure de la fausseté du sentiment orthodoxe, à la vérité du sien, que par une induction des plus illusoires. À raisonner comme lui s'en serait assez pour être dans le vrai que de s'éloigner de l'orthodoxie, que dirons-nous donc des athées, des déistes, des juifs, des mahométans, des païens, des sociniens, des ariens, des sabelliens, des tritéites, qui tous se soulèvent contre le sentiment reçu dans l'Église, qui tous l'attaquent des mêmes armes, qui tous en étalent les difficultés et les contradictions qui trouvent l'auteur de la lettre. Qu'est-ce que cet auteur fait autre chose en cela que répéter les objections des Teulants, des Servais, de tous les incrédules, de tous les ennemis de la religion, de tous les hérétiques anciens et modernes? N'est-ce pas par l'éblouissant étalage de ces difficultés réelles, ou de ces contradictions prétendues qu'il commence la déclaration de la guerre et qu'il pense s'assurer la victoire? Les orthodoxes se trompent. Donc nous ne nous trompons point. Voilà le syllogisme qu'ils font, et dont ils tirent tous, séparément la même conséquence à leur avantage. Cependant fut-il jamais de conséquence plus pitoyable? Et ne dois-je pas attendre de tout homme, qui sait penser, qu'il en jugera comme moi? Je permets pourtant à l'auteur de la lettre de mettre en œuvre ce petit artifice. Il a pu facilement en être ébloui. Que pouvait-on se promettre autre chose d'un homme, qui, pendant 2 ans, qu'il a roulé, dans sa tête, un système nouveau sur la Trinité, n'a pu découvrir, pendant tout cet espace de temps, qu'une seule objection que l'on y pouvait opposer du côté de l'Écriture sainte? Quant à l'Écriture, dit-il, depuis près de 2 ans que ce système s'est offert à ma méditation, j'ai examiné, dans mon esprit, si ce livre sacré ne contenait rien qui fût contraire à mes suppositions. ou qu'on pût y opposer avec un fondement apparent, je n'ai pu encore m'imaginer qu'une seule objection que l'on me pourra faire. Qu'il faut avoir la vue courte, et la méditation superficielle pour parler de la sorte. Apparemment que l'inspiration lui a manqué au besoin, et qu'en 1710 d'ici, quelque autre prophète aura, là-dessus, une révélation plus étendue. Celui-ci a le malheur de s'ouvrir une carrière toute pleine d'épines, et de n'en sentir qu'une seule. Qui ferait-il? Ce n'est pas sa faute si Dieu ne lui a donné ni plus de lumière ni plus de pénétration. Mais ce que je lui pardonne en cette considération, je ne le pardonnerai pas de même à des personnes plus intelligentes, ou plus judicieuses. Que cet auteur se tourmente tant qu'il voudra pour combattre le sentiment orthodoxe, qu'est-ce que cela fait à sa cause? Quel avantage en revient-il à son système particulier, plus qu'à celui d'Arius, de Sabellius, de Saussin, et des Tritéites? On m'avouera sans peine qu'il n'en peut rien conclure séparément, et d'une manière exclusive. Y eut-il, dans le système de l'orthodoxie, mille fois plus de difficultés ou de contradictions même, qu'il n'y en indique, le sien pourrait n'en être ni plus vrai ni plus raisonnable, et, par conséquent, la dispute contre le sentiment orthodoxe, n'est ici qu'une digression tout à fait inutile. S'il en faut une autre raison, je vous la dirai en un mot. C'est que le système, prétendu nouveau, n'a pas été révélé uniquement pour la conversion des orthodoxes. Dieu a fait, à l'auteur, la grâce de le lui communiquer pour le bien commun de tous les ennemis de la religion, et de tous les hérétiques, et même de tous les chrétiens, parmi lesquels ce système reçu va faire cesser les schismes, et les disputes au sujet de la Trinité. Écoutons-le parler lui-même. J'ai réfléchi qu'il lève toutes les difficultés, tant du côté de l'Écriture, que du côté de la raison, auquel tous les autres systèmes avaient été exposés, et en particulier celui qui est reçu dans l'Église. Il m'a paru que ce serait travailler utilement pour l'honneur de l'Écriture sainte et de la religion chrétienne, et par conséquent pour la gloire de Dieu, pour affermissement et pour la propagation de notre sainte foi, que démontrer aux adversaires de notre religion, athées, déistes, juifs, mahométans, païens, que notre religion n'est pas aussi absurde qu'ils se la figurent, et que nos écritures sont mieux d'accord avec elles-mêmes qu'ils ne pensent. J'ai cru que ce serait leur ôter un achoppement très considérable, et un prétexte des plus apparents de demeurer dans l'infidélité. Il m'a aussi semblé que ce serait retrancher la principale cause de toutes ces sectes qui ont divisé l'Église à l'occasion du dogme de la Trinité. Ainsi ces vues sont universelles, elles ne sont restreintes à aucun parti, et, s'il faut l'en croire, ce qu'il propose est nouveau, il était inconnu jusqu'à son temps, il diffère de tous les sentiments qui avant lui partageaient et déchiraient l'Église chrétienne. Le système d'Arius, celui de Sabellius, celui de Saussin y doivent être nommément confondus et renversés, ni plus ni moins que celui du Concile de Nicée. Entre ceux, dit-il, qui ont donné un sens forcé aux pages de l'Écriture, on peut compter, selon mon jugement, les Tritéites d'un côté, les Ariens et les Sauciniens de l'autre, et les Sabelliens et les Orthodoxes de l'autre. Le moyen de n'être ni Tritéite, ni Arien, à moins que de devenir Sabellien, ou de prendre le parti que les Orthodoxes ont embrassé, voilà la difficulté, et je crois pouvoir dire hardiment, fondée sur l'évidence, que Dieu m'a fait la grâce d'en trouver la vraie et l'unique solution. S'il n'est question que de comparer mon système avec tous ceux qui ont paru jusqu'ici sur la Trinité, pour décider par cette comparaison quel est celui qui doit être préféré aux autres, il ne sera pas besoin d'un long examen pour s'assurer que le mien s'accorde beaucoup mieux avec la raison et l'écriture qu'aucun des autres systèmes. Un homme qui tient ce langage, s'érige certainement en réformateur général, et se propose d'élever son système particulier, sur la ruine de tous les autres, qui sont tous, à son avis, plus ou moins contraires à la raison, et à l'écriture. La ruine d'un seul ne suffit donc point pour élever ce nouvel édifice, et je ne conçois pas bien comment le trithéisme, le sabellianisme, l'arianisme, le socinianisme, et tant d'autres sentiments, qui sont tous également opposés à celui qui est reçu dans l'Église, et qui le combattent tous des mêmes armes qui emploie l'auteur de la lettre, je ne conçois pas bien, dis-je, comment tous ces divers systèmes aussi. Ainsi je ne comprends pas ce qu'il veut dire quand il nous assure que c'est des orthodoxes qu'il est principalement question à présent et pourquoi cela, s'il vous plaît? Pourquoi est-il principalement question du système orthodoxe, dans un ouvrage où l'on veut en substituer un nouveau à tous ceux dont on avait ouï parler jusqu'ici? Qu'est-ce que les orthodoxes y ont plus à démêler que les autres? D'où vient qu'ils sont attaqués par préférence, ou plutôt qu'ils sont seuls attaqués? Quels sont les motifs de l'auteur? Le fait-il par haine ou par amitié? Est-ce que son cœur conserve encore quelque tendresse pour des gens dont il grossissait le nombre il n'y a que 2 ans? Ou bien est-ce que ces gens-là ont le malheur à présent de lui déplaire plus que tous les autres? Sans vouloir décider, je dis qu'un esprit géomètre n'aurait point fait cette faute que ce procédé ne tend qu'à faire du bruit sans rien gagner pour la cause, et que toute cette dispute doit être mise au nombre des écarts les plus inutiles. Incident de blâmer des expressions un peu fortes contre l'auteur et contre le système. Mais avant que de m'engager dans cette discussion, j'ai encore une prière à vous faire, c'est de ne point incidenter sur les titres dont je qualifierai les sentiments l'auteur. Si j'appelle ces sentiments à rien, socinien, sabellien, trithéite, ou de contre de telle autre manière que je le verrai bon d'être. N'allez point m'en faire un crime, et m'accuser d'y entendre une mauvaise finesse. Je vois, avec chagrin, comme vous, que ces noms odieux ne font que trop d'impression sur la multitude, et que l'on ne peut guère en qualifier les sentiments d'un homme, sans exposer sa personne à la haine publique. Mais c'est un malheur auquel je ne connais point de remède, parce qu'il ne se peut éviter en bien des rencontres. Il est établi, par l'usage, que les noms des sectes soient employés pour en désigner les symboles. Et vous pouvez compter que si je m'en sers, je n'y aurai point d'autre vue. Ce ne sera que par voie d'explication, et nullement par voie d'invective et d'injure. J'ai cru, monsieur, qu'il était nécessaire de vous donner cet avis, de peur que vous ne me soupçonniez de n'avoir pas lu l'avertissement de l'auteur. Il espère, y dit-il, que les théologiens tâcheront de le combattre par des raisons, et non pas par des invectives, qui me peuvent éclairer ni édifier personne. Et il déclare d'avance qu'il a fortement résolu de ne rien répondre à des arguments de cette dernière sorte. Or il se pourrait bien que les titres d'Arien, de Sabellien etc. que je lui donnerai dans la suite, ou que d'autres expressions assez fortes passassent dans votre esprit, pour cette sorte d'argument auquel il ne promet point de réponse. Vous vous tromperiez certainement si vous en jugiez ainsi, car j'ai fortement résolu de ne me servir d'aucun terme qui soit plus rude et plus choquant que ceux qu'il a lui-même employés. Cet homme-là sans doute connaît assez le monde pour savoir distinguer une douceur d'une injure, et je ne saurais pécher contre la politesse en suivant son exemple. Chez lui les titres d'Arien, de Sabellien, de Socinien, de Tritète, et d'Orthodoxe, ne sont flétrissants qu'en ce qu'ils marquent certains écarts singuliers, et pourquoi le flétrirais-je en les lui donnant si je ne veux dire autre chose? Il dit que tous ces gens-là mettent une partie de l'écriture en contradiction avec l'autre partie, que les orthodoxes sont précisément dans les mêmes termes que les tritètes, et les ariens, qu'ils ne sauraient expliquer leurs pensées, et qu'il est persuadé qu'ils ne s'entendent pas eux-mêmes, que le terme de consubstantiel, qu'ils emploient, n'a aucun sens dans leur système, et plusieurs autres choses semblables, ou les épithètes d'absurde, de contradictoire, et d'inintelligible ne sont point épargnés. Si ce ne sont pas là des invectives dans sa bouche, j'ose me flatter que ce n'en sera pas non plus dans la mienne, et que vous n'incidenterez point là-dessus pourvu que je le place à propos, et d'une façon raisonnée. Incident d'étaler les lieux communs sur le support mutuel. Je n'ai plus qu'une précaution à prendre, monsieur, et ceci regarde une quatrième digression qui ne serait pas moins inutile que les précédentes. J'ai vu quelques amis de l'auteur, qui d'abord consommaient sur son chapitre, se jette à corps perdu dans les lieux communs de la tolérance, ou du support fraternel que se doivent tous les chrétiens. Ils ne le font certainement que pour insinuer la conduite qu'ils voudraient que l'on tînt à son égard. Ils voudraient que l'on eût de l'indulgence pour lui, qu'on le laissât dire, et écrire tant qu'il voudrait sans paraître s'en échauffer, qu'on ne lui répondît qu'en le flattant, que l'on ne porta point cette affaire aux tribunaux ecclésiastiques, et qu'on en agit avec la même tranquillité qu'on le ferait à l'égard de quelques problèmes des mathématiques. Les personnes qui sont dans cette pensée ne manqueraient pas de m'accuser d'intolérance, et de zèle fougueux si vous leur montrez ce que j'ai l'honneur de vous écrire. Mais pour vous, monsieur, je suis persuadé que vous me serez plus favorable. Vous connaissez mes principes, et vous savez que je suis, Dieu merci, tout aussi tolérant qu'aucun de mes frères, lorsqu'il est permis de se taire, et que les vérités fondamentales ne sont pas attaquées. J'ose donc me flatter que vous me ferez la justice de croire que l'on doit attribuer la chaleur que vous trouverez, dans ma lettre, à l'opinion que j'ai de la cause. Cette cause me paraît être de la dernière importance, et je ne crois pas me tromper en cela. Ce qui m'en assure, c'est que l'auteur du prétendu nouveau système a fait du dogme de la Trinité, le même cas que j'en fais. Il le croit de l'essence de la religion, et le zèle qu'il montre, pour son sentiment, indique assez aux orthodoxes ce qu'ils doivent au leur. Voulez-vous savoir si le dogme est fondamental ou non? Voici ce qu'il en dit. Mon système s'accorde avec la doctrine des orthodoxes en tout ce qu'ils ont fait profession jusqu'ici de regarder comme essentiel au salut. L'unité de Dieu, la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la distinction de ces trois personnes, l'incarnation de Jésus-Christ, et la satisfaction, ce sont là tout autant d'articles sur lesquels ma doctrine et celle des orthodoxes est la même. Il n'y a que cette différence, ils disent que cette distinction de personne est une distinction de mode, et je soutiens que c'est une distinction de substance. On ne saurait s'exprimer plus fortement sur l'essentialité de ce dogme, et l'auteur ne pouvait guère se dispenser d'en juger de la sorte, puisqu'il n'y a que cette seule considération qui puisse justifier l'éclat qu'il s'est proposé de faire. Malgré les oppositions qu'il prévoit, et les conséquences fâcheuses que ceci peut avoir. Il parle, il imprime, il veut faire des prosélytes, il vise à se rendre chef de secte, et pourquoi tous ces mouvements, je vous prie? Pourquoi ne pas renfermer, dans le silence, un système qui va faire une nouvelle division dans l'Église, qui va multiplier les scandales, qui va troubler les troupeaux, et mettre en feu les synodes? Une conscience délicate et chrétienne s'arrêterait à la vue de tant de maux, elle sacrifierait, au bien de la paix, la démangeaison de paraître, elle prendrait pour une tentation du malin le désir d'être novateur, s'il ne s'agissait que d'une doctrine de peu d'importance, et dont l'Église pourrait encore se passer sans risquer le salut, comme elle s'en est passée pendant 17 siècles. Mais la nouvelle doctrine est capitale, et tout demande qu'elle soit publiée, quelles qu'en puissent être les suites. On me dira, dit l'auteur, que quand mes sentiments seraient vrais, je ne devrais pas les rendre publics, à cause des troubles qu'une nouveauté de cette nature pourrait exciter dans l'Église. J'ai pesé ces inconvénients, et ce sont ces considérations qui m'ont engagé à renfermer ces pensées en moi-même, et à ne les communiquer à personne, pendant près de 2 ans. Mais ma conscience m'a fait enfin des reproches sur mon silence, et persuadé d'avoir non seulement rencontré la vérité, mais une vérité très utile à l'Église. J'ai craint que Dieu ne me demandât compte de ce talent enfoui, comme il n'y a point de vérité inconnue, qui venant à s'établir n'ait rencontré des oppositions pareilles, et que Dieu veut cependant que la vérité soit proposée aux hommes, et qu'elle serve même à les éprouver, et à distinguer ceux qui aiment Dieu et la vérité de ceux qui n'aiment que leurs intérêts présents. Je ne crois pas que la crainte des oppositions puisse légitimement dispenser ceux que Dieu a fait les dépositaires de sa vérité de la faire briller aux yeux des hommes, etc. Ce discours serait terriblement d'un enthousiaste et d'un fanatique, si cet auteur ne croyait pas que le dogme de la Trinité doit être mis au nombre des articles fondamentaux du symbole chrétien. Mais s'il l'est pour lui, ne le sera-t-il pas pour nous? La conscience l'obligera-t-elle à parler, et nous obligerait-elle à nous taire? Fera-t-il son devoir en attaquant nos mystères, et ne ferions-nous pas le nôtre en les défendant? Passera-t-il pour honnête homme en risquant tout pour troubler la paix de l'Église, et ne serions-nous pas des malhonnêtes gens si nous ne faisions pas tous nos efforts pour nous y opposer? Mark M. Dan, archive.org d'après Books Google.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.